Mas mbizi la sexy fit de boule ya voulu toka Batanta balela ba tentation eh que ma chérie balela ba sensation eh yoga yoga yango kananga kala kananga kala Igor Balo yango kananga kala kananga kala Boazo Mobutu Nikes Bayaka Jolie Mayala Salle le pavillon. Vas-y doucement, ne sois pas pressé. Honorable Serge Kalumé. Quand tu me fais souffrir, tu me fais souffrir. Merci pour la première dame de Lausanne. L'amour je t'ai donné, t'as mis ça où bébé? L'amour je t'ai donné, t'as mis ça où bébé? Ah pourquoi tu fais comme ça? Comme ça? Fiston Kaboué, bébé, fais ça doucement. La famille doucement, busy, Ardiles busy. Ah pourquoi tu fais comme ça? Marteau pose sur la reine de l'essai. Bébé, fais ça doucement. DJ ordinateur, on a lu ça. Attends, allez là-bas, tentation. L'enlope pour le jour, maman CC. Ma chérie, allez là-bas, sensation. Nana Kitchen. Yango, kananga kala, o kananga kala. Fredin Poto, tapis rouge. Yango, kananga kala, o kananga kala. Mathieu Kamani. DJ Miel, DJ Piroche Alette, un roi de Chicago. Bébé, tu sais que je te kiffe. DJ Dido. Oibi Kena Lovayo. Maman, tu sais que je te lave. Qui passe fort. Oibi Kena Kakayo. Bono yo chela mankoro. Chela mankoro. Passos Mukenzi. Bono yo chela mankoro. Chela mankoro. Yo non sala yo bilo wa Messi. Non, bois qui sont en combat cage. Si t'as les doutes de Madafali, il te dira qui je suis. Debout ne tombera jaja, tombera jamais. Jamais. Ne tombera jamais. Paris ne tombera jaja, tombera jamais. Jamais. Bindi love. Attends-toi, balela, va tentation. Tentation. Ma chérie, balela, va sensation. Mathieu Mumba. Yango, kananga kala, o kananga kala. Junior capitaine. Yango, kananga kala, o kananga kala. Ronald Bouman. Bono zoche lang ankoro. Tata Ouska. Bono zoche lang ankoro. Ville News des stars. Ville Boss Kaboué. Garçon géant. Dado Fly. La taille troublante. Grâce Mbissi. La sexy. Patrick Zola International. Adil Ondolé. Eugène Nzengele. Sankara de Kuta. Roji Bosei, Esther Nteke, mère de valeur. Tete Ndai Mabuku Bank, Mute Mama Rachel Futa. Yango Samokuse, ton truc est trop court.